c'est un braque haut de gamme. C'est Beretta qui shoot. Fallait qu'on fasse un truc, on pouvait plus attendre. J'ai fait un stick, pris un pic et me suis mis à écrire. Dès que la rue s'est mise à crier, que les douleurs se sont fait entendre, je me suis dit qu'il fallait que j'y mette les tripes et que les traîtres entrapent. 1330, c'est la base. On débarque, des balles et fournit la bombe au nom des braves. 2005, Beretta mon pote, fallait qu'on se distingue. Fallait qu'on la fasse fermer à ceux qui nous distinguent. Fallait qu'on se donne à fond ce coup-ci. Cousin, cousine, mon son comme un coup de fusil. Comme un bruit de fusée, usé par le temps et le monde, vu par l'extrême. Et tu comprends qu'il fallait qu'on s'exprime. Les grilles se logent comme une balle quand ça frappe. C'est un braque haut de gamme. Microphone, c'est le chien. C'est vrai, c'est le seum. Quand ça frappe. On fait du sang quand toi tu portes plainte. Misite sur le disque, on insiste, l'artiste. Faut qu'on fracasse même les portes blindées. Beretta, l'esprit qui sort des bas-fonds. C'est l'heure de passer à table et de mettre la cave au plafond. C'est nous contre les bâtards. Pourquoi tu veux qu'on baisse la tête? Contestataire, fier frère, on sait ce qu'il reste à faire. Pas le temps de blaguer, y'a trop de porc aux aguets. Pas là pour faire les gags, c'est la rage qui nous a délégués. Préviens Chirac et tous ses ministères. Rangez vos plaques et vos mystères, ça va péter jusqu'au Finistère. À base de lyrics fermes, écoute nos prières et nos tentations. On a pris le temps pour les présentations. Et qu'il se loge comme une balle quand ça frappe. C'est un braque haut de gamme. Microphone, calage, je te braque, c'est le seum. Quand ça frappe. On n'est pas là pour tirer sur les gens, ni pour finir les gens. On fait les choses comme on le sent, avec un peu d'intelligence. Ça va faire 10 ans, habitué à ce design. Peace à mes frères, faut qu'ils comprennent qu'on n'est pas méchants. Ni du genre à se laisser faire, on se battra quitte à se blesser frère. Même si au bout y'a rien d'alléchant. Juste préciser qu'on a mis tellement de cœur, que ça se ressent d'intro jusqu'au dernier battement de cœur. Que Dieu nous garde et nous offre un peu de baraka. Jamais seul, moi je parle au nom de Maracaï. C'est que le début, et c'est loin d'être fini. PE2RETA jusqu'à l'infini. Les grilles se logent comme une balle quand ça frappe. C'est un braque haut de gamme. Microphone, c'est Belek. Je te braque, c'est le seum. Quand ça frappe. La plupart des fans paniquent, les bras se lèvent seuls. Les grilles se logent comme une balle quand ça frappe. C'est un braque haut de gamme. Microphone, c'est Beretta. Je te braque, c'est le seum.